Ce qui m'intéresse surtout dans ce cadre, c'est la filière, c'est-à-dire toute la chaîne avec les maillons, mais la chaîne entre les puits de production, les mines, si tu veux, là où on va exploiter les matières premières. Et puis l'autre bout de la chaîne, ça c'est les usines où on va fabriquer les produits de consommation. Bon, je pense par exemple aux appareils électroniques, je pense aux batteries rechargeables, aux véhicules électriques. Alors, je pense que depuis Dieselgate, tout ce scandale avec les constructeurs d'automobiles, les constructeurs, ils ont voulu trouver un autre produit. Et donc, ils ont inondé, ils nous inondent, je pense, avec une campagne pour nous convaincre que les véhicules électriques sont nécessaires et qu'il faut changer de mobilité et arriver à une électromobilité. Alors, électromobilité ou mobilité, c'est un tout autre débat. Ce qui m'intéresse ici, ça c'est le cobalt et le Congo. Pourquoi le cobalt? Parce que le cobalt, le métal, il est nécessaire pour fabriquer les batteries rechargeables ou des parties de batteries rechargeables. Et pourquoi le Congo? Parce que le Congo est le premier producteur de cobalt au monde. Hein, il produit 70% de tout le cobalt du monde. Donc il est le fournisseur le plus important. Alors, qu'a fait le Congo dernièrement par rapport à cette matière première? Ils ont introduit une nouvelle législation, si tu veux, donc un code minier pour être certain que les exportations de ce métal soient un vrai bénéfice pour le pays, pour éviter que des capitaux, hein, des entreprises étrangères sortent librement, presque librement du pays. Donc, pour finalement se rassurer que les profits, les rentes des entreprises minières sont bénéficiaires pour le pays. Donc, ça date d'il y a tout juste un an, mars 2018. Alors, l'introduction de ce code minier n'a absolument pas plu aux entreprises minières. Ils se sont constitués en lobby, ils ont exercé des pressions, et il faut savoir que parmi ces entreprises minières étrangères, il y a les plus grandes du secteur minier du monde. Il y a également des entreprises chinoises, mais c'est surtout des entreprises étrangères, enfin occidentales, qui se sont établies au Congo. Alors, ce code minier les a rendus furieux. Ils ont exercé des pressions sur le gouvernement congolais. Moi, j'estime qu'un pays a le droit de décider ce qu'il fait de ses richesses, de ses matières premières. Et donc, je trouve scandaleux cette campagne de ce groupe d'entreprises minières. Et je trouve très raisonnable, franchement, ce que fait le Congo avec ses richesses. Autre discussion encore est évidemment de savoir ce que va faire le pays avec les revenus qui doivent forcément arriver par la vente, par les exportations des matières premières. Ça, c'est un autre débat. Mais en soi, je trouve que c'est très raisonnable d'exercer sa souveraineté sur les matières premières, sur les richesses qui sont dans son sous-sol. Pour chaque matière première dont ici en Occident on considère qu'il est indispensable, il y a toujours eu des systèmes coloniaux qui se sont installés. C'est-à-dire l'Occident va exploiter ailleurs pour se servir. Jusqu'à présent, c'est une répétition de ce type, de ces systèmes coloniaux qu'on a vu. Et donc, à mon avis, c'est au peuple, au pays souverain, de se libérer de ce type d'exploitation et de ce modèle, entre guillemets, économique.